Voici l'humeur de sublime. Guillermo Guise, sublime aussi. Tout est sublime. J'aime ma vie. Bonjour les amis. Salut. Bonjour les amis. Alors vous me connaissez, je suis en pleine trentaine molle et déclinante. Très mal. Si mon corps était un plat, ce serait tellement un gazpacho poulpe endive. Pourquoi non. Mais je me laisse aller, je regarde Netflix, j'attends la mort parce que je sais que je sais que j'aurai pas d'impact sur le destin de l'humanité. Contrairement à Elon Musk. Vous savez comment je sais? Parce qu'il a envoyé une voiture dans l'espace et moi j'ai du mal à envoyer la mienne au contrôle technique. C'est monsieur Tesla, c'est ça? Ouais. Ah oui. Ça, c'est un signe qu'on n'a pas la même ambition posthume. Moi, sur mon épitaphe, il y aurait juste écrit: en tout cas, il se sera beaucoup masturbé. Il n'y a personne qui me regrettera à part l'actionnariat de Dove et de Sopalin. Sérieux? Oh, non, 9 secondes après l'enterrement, les gens disent: Guillermo Guise, c'était pas genre une sorte de poisson chelou d'Amérique centrale avec un dard sans prétention? Ça, ce sera mon destin. Et ça se joue dès l'enfance, ces choses-là. J'imagine toujours Elon Musk à l'école maternelle. Et toi, Elon, tu vas faire quoi plus tard dans la vie? Coloniser Mars, mon pote. C'est formidable, Elon. Tu veux devenir astronaute comme Dylan et Matteo? Mais quel astronaute? Moi, je ferai des propriétaires de fusées. L'astronaute sera mes biatchs. D'accord, Elon, prends ta Ritaline. Mais vraiment, il a raison, Elon Musk. L'occasion fait le larron. Il s'est dit: tu sais quoi, je fais quand même rien avec ma fusée. Elle traîne là depuis 2 mois sur le parking Leroy Merlin à côté de mon TGV, de mon diplodocus. C'est con de pas en profiter, quoi. C'est vrai, chacun selon ses moyens. Il y a des humains qui disent: tiens, de ça, je me fais un kiff, j'essaie de trouver un logement pour la nuit. Il y en a d'autres qui disent: tiens, je me fais un kiff, je vais trouver une orbite pour ma voiture. Voilà. Dans le règne animal, on est les seuls à avoir des kiffs aussi disparates entre individus d'une même espèce. Vous allez me dire, je suis obsédé par les canards. Mais partout dans le monde, les canards, ils ont des kiffs de canards. Il n'y a jamais un canard qui dit: moi, mon kiff, ce serait de traverser cet étang à 60 km/h. Et je vais te construire un petit pédalo à moteur adapté à ma morphologie de canard. Derrière le culot, je me tape un signe. Biatch! Non! À Fréjus ou à Moscou, les canards, ils ont terre à terre. Ils disent: bon, tu sais quoi, on a des pieds palmés. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, on flotte quand même vachement mieux que la moyenne des animaux. Merci Dieu, on va faire avec. C'est vrai, ils font leur life et c'est très bien. Mais derrière, les canards, faut pas qu'ils se plaignent de finir en numéro 8, 19 et 31 sur la carte d'un restaurant chinois. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Et c'est l'utopie qui fait avancer les espèces. Et moi, j'en ai jamais eu. Moi, quand j'étais petit, je croyais bêtement que je deviendrais footballeur. Et ben voilà, regardez où j'en suis aujourd'hui. Je fais une chronique dans l'équivalent radio des 12 coups de midi. Bon, ben, voilà. C'est comme ça. Je pense qu'il vient pour les 12 coups de midi. Je pense qu'il vient dans ma vie. Ouais, c'est bien l'audience. Je me rappelle le jour où France Inter est venu me chercher en me disant: il y a une place qui se libère dans l'équipe. Tel chroniqueur a dû faire un séjour en HP. Blablabla. Apparemment, c'est pas que de la faute de Nagui. Blablabla. Le salaire, bah, il faut juste imaginer que t'es un enfant bangladais. Tu vas trouver ça correct. Blablabla. Etc. Je me suis dit: oh, pourquoi pas, si je fais une chronique sur Inter, ce sera toujours une chronique que ne fait pas Daniel Morin. Chacun est de la communauté comme il peut. Hein. Moi, j'ai pas d'ambition, mais j'ai le sens du service public. C'est vrai. Mais ça me fascine les gens qui se fixent des objectifs dans la vie. C'est vrai. Moi, genre, j'ai un pote péruvien, par exemple. Professionnellement, il a un rêve, c'est devenir testeur de vodka. Entre les seins de Penelope Cruz, si possible. C'est son dream job. Et chaque fois qu'on se voit, je lui dis: Ernesto, je vais pas te mentir, être alcoolique et sexiste en 2018, c'est à la frontière de leur contexte. Va falloir bosser vraiment dur si tu veux un jour tester de la vodka entre les seins de Penelope Cruz. Elle reçoit 50 CV par jour, tu vois, c'est 10 de moins que Leila, mais ça reste une somme. Et ceci dit, suis tes rêves, Ernesto, regarde Elon Musk. Allez, bonne émission, les amis. Merci, bienvenue.